Ouais. Eh, Tortelier Arbatax, vous êtes prêts ou quoi? Bien sûr qu'on est prêts, nous. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu branches pas ou quoi? Hey, yo, les gars, on a fini de faire Cosette, on va peut-être pouvoir commencer l'émission. Docteur Quest, toi ça va? Ouais, moi ça va, ça va. Émission cool. Quoi neuf? Bah, il pleut, c'est grève des bus, je suis à vélo, je vais me planter avec tout mon matos. C'est un peu le délire là. Et vous, comment ça va? Bah nous, on fout, on met du sang! Nous on dit son! Ciao ciao, Docteur Quest! Oula! Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. C'est Radio Panique, c'est le 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est ça Tortoli, comment ça va? Ça va, tranquille, tranquillement. Arbatax, toi, ça va bien? Pff, impeccable. Impeccable? En forme, en forme. En forme de quoi? Je ne sais pas, mais en forme. En forme, mais c'est grâce à la Stib. C'est dû à la Stib, hein, non? Dû à la Stib. Voilà, dû à la Stib. Ouais, on parlait de cette grève là, avec Dr Quest il y a 2 minutes. En fait, les conducteurs font grève parce qu'un conducteur a agressé un passager. Ce qui est à peu près logique. Mais quand même, big up à la Stib, parce que grâce à eux, il y a plus de monde dans les voitures, il y a plus de monde dans les taxis, donc il y a plus de monde à écouter Radio Panique. Yeah! Tu vois la logique? Dédicace à toi si t'es dans ta voiture, dans les bouchons, dans les embarras de circulation, comme on dit. Bon, vous êtes branchés sur Radio Panique, c'est le 105.4 à Bruxelles, je récapitule, ça se passe aussi sur le www.radiopanique.org, c'est TLM tous les mardis, 17h-18h, on est là pour une heure de bon son, avec un petit peu de rigolade. Bon bah ça c'est plutôt Tortoli qui s'en occupe. C'est la base. c'est la base. Voilà. Et puis tu retrouveras tout ça, la playlist, le podcast et tout à mettre dans ton petit lecteur cassette et Discman sur le Facebook Tortoli Arbatax. Rien de compliqué. Tu connais. Tu peux même le télécharger, comme ça tu te mettras les forbans en boucle. Les forbans, c'est le générique de cette semaine. Attention, ça va faire mal. Les forbans, toi-même tu sais, tu peux chanter, tu peux taper, même avec tes baskets. Ups. ça. Ça, c'était le générique. Et ça repart. Et ça repart, mais on se le met plus bas, tranquille. Juste histoire de se mettre en forme pour bien commencer cette petite heure ensemble. Voilà, vous écoutez Tortoli et Herbe Attax. C'est le 105.4, c'est le podcast, c'est tout ce que tu veux. C'est dans ta voiture, dans ton bain, dans ta vaisselle. Tout. Les forbans, ça s'appelle Chante. Tu l'as écouté en boucle à une époque. Ou pas. Ou pas, t'avais la banane, t'avais le perfecto. Je sais pas. La banane, je l'ai toujours, mec. Je l'ai toujours. Quand il est 17h et que c'est le mardi. Je vois bien sous ton nez. J'arrive quand même à distinguer ta banane. On part sur du fat son. Fat son, ouais, double Jacques, quoi. Double Jacques, mais. Sans glaçon. Sans glaçon, voilà. Jackie, on the rocks. Jackie suivi de Little Jackie. Jackie et Little Jackie, c'est ça. Le premier, je sais pas comment il s'appelle. Le premier s'appelle Pink Drunken Drunk. Ah, Drunk, et bah voilà, il y a comme un voilà. Rapport quand même avec cette blague. Donc la première, c'est donc Jackie, J-A-Q-E-E-E. Et c'est une fille qui est mi-ougandaise, mi-suédoise. Voilà, tiens-toi bien. Parfait. Et la seconde, c'est Little Jackie, et le titre. The world should revolve around me. D'accord. You know. Voilà, on est parti sur une double Jackie. Double Jackie, on se rejoint juste après ça. C'est Tortoli Herbe Attax Show. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Herbe Attax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. I'm taking in stride one day at a time. If I ask no questions, I hear no lies. How come blessings only come in disguise? Try to emphasize as I vocalize. Ain't nothing gonna get between me and my flow. Ain't Parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui ? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi ? Je n'osais pas te le demander. Alors ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est Radio Panique. Hey hey ! Avec ce petit hey hey ! Hey hey ! C'est Radio Panique, c'est Tortoli et Arbatax, vous écoutez, vous êtes sous la pluie, vous êtes comme des merdes, vous êtes trempés, vous n'en pouvez plus, c'est horrible. Tranquille. Vous croyez regarder les chiffres et les lettres, mais non. C'est bien la radio qui est allumée. Toi-même, j'ai vu que t'avais mis ta petite Charlotte sur les cheveux. Sur l'épaule. Mon ami Charlotte. C'est donc la chronique de l'expression de la semaine. C'est ça, toi-même tu sais, tu reconnais. Voilà, ça part en fanfare, en trompette. Alors attends, je me rappelle plus bien, laisse-moi réviser un petit peu mes fiches. La semaine dernière, nous avions bibabou babou. On dirait que tu te cherches, on dirait que tu te cherches. Non, on dirait non, que... je ne cherche pas. On dirait que ça s'est mal passé la semaine dernière. Non, mais par contre je te cherche au tableau des scores, Tortoli. Ah non, mais attends. Attends, fallait que je regarde un peu plus en bas peut-être. Attends, si tu veux qu'on cause, on va juste parler des résultats de la semaine dernière. On en est où là ? Ça va faire une certaine base. Dis-moi. On parle de quoi ? Des résultats, du classement ? Non, au score général. Score général, on doit être à 12-9. 12-9. 12-9 environ pour toi. Arbatax, voilà, AK, Bad Bayard. Bad Bayard, le mongol. Bad Bayard, le mongol. Et bien oui, je t'avais croisé sur ton cheval, toi, avec Bruno Solo. Ah oui. Tranquille. Et j'ai envoyé de l'émotion à la France entière, mec. Voilà, t'as fait pleurer la France entière parce que la ménagère perdu, de moins de 50. T'avais perdu un cheval. Bah dis donc. Ah oui, c'est vrai. Puis un étalon. Tu nous tiens en haleine. Hein. Bon, bref, à part ça, donc si je retiens bien l'info primordiale et sine qua non, c'est le score. Je suis à 12-9. Ok, alors la semaine dernière, jusqu'à il y a à peu près 20 minutes, était en jeu Benny Oui Oui, expression que j'avais proposée histoire de relancer un petit peu la langue française. Voilà, qui a fait un grand succès. Voilà, face au flamand qui nous envahit. Il fut un temps, ça aurait marché Benny Oui Oui. Enfin, dans les années 40-50, voilà, à peu près, là. Au niveau du Charleston et tout ça. Ça aurait pu marcher, ouais. C'est vrai. L'appel du général de Gaulle, il aurait pu dire un peu. Benny Oui Oui, qui est donc quelqu'un qui dit oui à tout ce qu'on lui dit, quoi. Bah visiblement les auditeurs ne sont pas reconnus dans cette expression puisque tu as récolté. Attends, je compte sur mes doigts. Ah bah on me les a coupés. Et bah t'as zéro. Bah ouais, c'est parfait. Zéro, c'est zéro bien. Point. Pour une fois ton moignon va nous servir. Quel... Bon ok, d'accord, j'avoue j'ai zéro. Et face à ça il y avait Vas-y que je te. Voilà. Qui a remporté forcément vu que voilà. J'ai zéro avec 5 voix. Et voilà. Attends, ok, t'as gagné. J'exulte. C'est bon, allez, arrête-moi ça, c'est bon, arrête. On va pas en faire tout un plat. Je tiens à remercier tout le monde, merci. La coupe est trop lourde pour moi, mais franchement, ouais, je suis... Avec des moignons, c'est pas facile. Je suis ravi. Donc je lui en ai mis 5 quand même. 5 dans le béni. Donc ça fait 5-0, un score de... Score de Champions League, quoi. Ah oui, c'était le score du Classico de cette année. Ouais, voilà, 5-0, vous avez été 5 à voter pour Vas-y que je te, donc pas mal. Merci aux votants et on repart sur un clash pour cette semaine. Un clash de la semaine. Alors, on repart sur du fat, c'est important d'insister sur le clash. Si je t'ai bien écouté ces derniers temps, vas-y, propose. À toi, en premier. Non, tu peux pas. Tu peux pas me faire ça. Attends, il faut me laisser un temps de réflexion. Oh le trou, ok, je comble. Je cherche le fiche. Alors, moi, je propose une expression qui s'appelle... Ça y est, moi je l'ai retrouvé, je l'avais. Voilà, c'est bon. En fait, c'était à la fin de mon cahier, c'est parce que j'ai un livre d'or en fait de toutes les expressions. Et je l'ai mis à la fin, à la lettre T. Mm-hmm. L'expression est tu te laves et tu oublies. Voilà. Tu peux aussi l'accentuer avec ta voix, tout simplement. Tu accentues ta voix, tu dis tu te laves et tu oublies. Tu te laves et tu oublies. En fait, ça correspond à. Voilà. Un petit je te casse, quoi. En fait. Ouais, un petit. Arrache-toi, quoi. Ouais, voilà. Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui dit une connerie. Marche à l'ombre, quoi. Tu te laves et tu oublies, quoi. Remballe ta vie, remballe ta famille. Remballe tes boniments, tes romans, quoi. Tout ça. C'est bien. Bon, bah, ça, c'est une victoire facile pour moi. Voilà. J'annonce. Ouais, c'est quoi, moi, cette semaine? Bah, je sais pas, mais à mon avis, tu vas te laver et oublier, quoi. Ah non, moi, c'est bien classe, hein. C'est pour faire dans le prévert, quoi. Ça va dans être le pervers, ça fait dans le pervers. Ça fait belle levrette. On est en plein dedans. Ça fait belle levrette qu'on t'a pas vu, et ça fait belle levrette que tu n'es pas passé devant au score, hein, de l'expression de la semaine. Très bien, voilà, donc c'est belle levrette, quoi, à la place de belle lurette. Merci Jacques Pervers pour voilà, mais cette expression. Le dis vite, c'est bien. si tu le dis vite, c'est pas mal, parce que ton interlocuteur en face peut croire à un lapsus ou une sorte de truc subliminal, il est pas sûr d'avoir entendu, quoi. Oui, ça fait belle levrette, et tu vois, ça peut passer, c'est bien calé, ça. Jacques Pervers, le poète, le poète des expressions de la semaine. va bene così, ok mec. Comment ça se passe pour voter? Comment on s'organise? Bah, où est-ce que je mets le bulletin? Tu te rends sur Facebook et puis tu votes. En fait, on va te mettre un petit podcast comme ça, juste pour l'expression de la semaine, et tu mettras un petit commentaire en dessous et tu choisis ça fait belle levrette ou Tu te laves et tu oublies. Un clash d'expression très classe cette semaine. Voilà, encore dans le raffiné. C'est une fois de plus. Ça raffine. Ça raffine à donge. C'est nul. Voilà, pardon. Big up yourself, Tortoli. On va enchaîner direct. Allez, juste avant d'arriver à l'agenda culturel de Bruxelles et de sa région et d'ailleurs, on va se mettre un petit morceau qui nous vient du Mali. Ça s'appelle Vieux Farka Touré. Qui n'a rien à voir avec l'expression avant. Rien à voir. Vieux Farka Touré. Le morceau s'appelle Joue. Anna. Voilà. Et c'est un petit peu dans la verve du Mali, quoi, un petit peu blues malien, voilà. C'est limite, hein. Verve, levrette. Il va falloir arrêter là. Ouais. Non, verve, c'est pas du tout ce que tu crois. Enfin, je te renvoie. Ah, c'est la couleur. Je te renvoie un dictionnaire à quelque chose comme ça. Enfin, je te montrerai ce que c'est qu'un. La couleur verve. La couleur verve, voilà. Ok, très bien. Voilà. Vieux Farka Touré, Anna. Drao, on se rejoint juste après. Vous êtes sur Radio Panique. Ya ya. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. L'agenda Q, l'agenda Turel, l'agenda culturel. Avec cette petite instru derrière. Tranquille, ça va le faire. Moi j'aime bien. Je cautionne. Très bien. Alors comment ça se passe l'agenda Q? C'est quoi? C'est un agenda culturel de tous les événements culturels sur une semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain et plus ou moins en région bruxelloise. Sauf si exception, un événement d'une importance radicale. Capitale. Et là on peut s'extrapoler un petit peu et partir ailleurs. Alors, en général, Guillemette. En général, c'est Guillemette qui nous pose des questions. Mais bon, est-ce que cette semaine elle est dispo, pas dispo? Elle nous a dit qu'elle venait ou pas? Elle vient, là. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Bah, elle dit comme d'hab, hein. Ah, ce soir juste après. Pas de surprise. Ce soir juste après? Ce soir juste après, donc nous sommes le mardi 15 février et je dirais que si t'as pas fêté la Saint-Valentin, bah t'as qu'à te rattraper ce soir parce qu'il y a pas grand chose à faire. Si tu peux écouter le nouvel album de Stupéflip, si tu l'as commandé en avance, parce qu'il sort le 28 février. Mais là, on sera sur une grosse actu un peu chaude. Un peu chaude. T'as pas trop envie de te brûler avec tes moignons, donc tu... Je vous en reparlerai. On en reparlera, les gars. Arrêtez de nous demander tout le temps, on en reparlera. On en recause. Ça va. On va en reparler. C'est bon, de toute façon, on vous tient au courant par tweet. Voilà. Sont relous aussi au bout d'un moment là. Ça va demander des trucs et des machins. Donc retenez juste, voilà, Stupéflip, nouvel album. ça arrive, mais c'est encore bon, c'est brûlant. On va peut-être passer au mercredi. Passons au mercredi. Et next day. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors demain, du côté d'XL, 1040, I don't know. 1050, nous souffletons. Ça va, c'est bon. On va pas chipoter. Alors, mercredi. Voilà, mercredi, bah il y a Redman en DJ set au Tavernier, bar bien connu, bar estudiantin. Tavernier, au cimetière d'XL, il y a Redman, ancien du Wu-Tang, qui vient en DJ set, ça te coûte 13 €. Voilà. Là, c'est organisé par One Nation Undergroove. Voilà, ils nous avaient fait Gangrène il y a pas très longtemps, quoi, il y a 15 jours, et là ils nous refont Redman. Et là, c'est au Tavernier, donc c'est ouais. Bon, voilà, si tu regardes un petit peu les vidéos de la dernière fois qu'il était au Nex à Flagey, Redman, le DJ set, bon. C'était plus ou moins, enfin ça avait pour l'air. Bon, dis-nous tout, tu vas y aller ou pas? Non. Bon, bah voilà. Non, je... c'est ça tout. Ça me dit rien. Donc ça, c'est mercredi. Il va mixer, mais c'est même pas un vrai DJ, donc autant aller voir un vrai DJ, quoi. Ok, donc c'est 13 €, tu vas voir un faux DJ. Voilà. Bon, c'est quand même un mec important, quoi. Je me permets de tu lèves la main, de dire que, bah oui, ouais, il y a la foire du livre qui ouvre, non? C'est important. À Tour Taxi. Oui, mais toi, tu ne sais pas lire. Si, bien sûr, je sais lire. Et voilà, c'est tout. Voilà, tu peux aller te faire dédicacer un bouquin. Te faire abonner à Strapi. Prends pas ton iPad, ça sert à rien. Il n'y a pas de dédicace là-dessus. Est-ce que les auteurs de J'aime lire seront là? Et voilà. Et sur le stand Bayard, rendez-vous à 15h avec Tom Tom et Nana. Ah bah voilà, une bonne nouvelle. Youpi sera là et avec Oui Oui. Ok, bah si Sam Sam vient aussi, moi je suis là. Capitaine Sam Sam, mais bien sûr, il sera là, t'inquiète. Donc ça, ça serait pour le jeudi, passons au vendredi. Yeah. Là, l'actu est chaude. Brou. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi? Pour commencer pour bien, bien commencer le week-end. Ah voilà, commencer le week-end. Ok, vas-y, bah je commence par une soirée qui s'appelle. Donc là, tu me dis, je vais alors, attends, pour pas pour pas que, confirmer que passe, je ne sais pas lire, je vais essayer de rapprocher un peu ce que j'ai noté. Ça s'appelle Boys and Gross. Boys and Gross, c'est une soirée qui se passe au Kilo Bar, rue d'Artois, pas très loin d'Annecence. Et là, c'est sous le signe du hip-hop, puisqu'il y a Super Tanker, 1095 et l'entourage, Blau, Grems, M-Tech, KM3. Voilà, c'est il y a une session open mic, enfin bref, ça va être assez hip-hop. Ok. Bah, moitié belge, moitié French. Donc moitié, tu disais que c'était rue d'Artois. Rue d'Artois, oui. Voilà. C'est marrant parce que rue d'Artois, il y a également la mini panic party. Et oui. Oui, mais c'est quand ça? Et bah, c'est pareil, c'est vendredi. Vendredi 19 février. Alors ce serait deux numéros plus loin ou quelque chose comme ça quoi. 44, ça se passe 44 rue d'Artois. Je sais pas, moi j'ai pas le numéro. Ah non, voilà. Mais attends, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, on serait sur un clash de soirée le même jour au même endroit. Bah moi j'ai le flyer sous les yeux, y a pas de souci. Hein. Je peux même te dire le programme. Il y a Green Phaser, Dream Nation, Nasty Bertander. Oh j'arrive pas à parler. Johnny Drunker, D-Jack et le Radio Panic Sound System. L'entrée elle est à 1,90€, c'est à partir de 21h, c'est au Cave, c'est vendredi et c'est 44 rue d'Artois. Voilà, pour les bonnes œuvres de Radio Panic. Voilà. Mini Panic Party. Bah, ce vendredi. Dans la même rue t'as deux soirées, rue d'Artois. Voilà. Et l'autre c'est au Kilo Bar. T'as autre chose le vendredi? Le vendredi ouais, il y a un petit pour les fans de reggae. Pour ceux qui veulent des Good Vibrations, il y a soirée Pili Pili au campus de la VUB, mais à Jet. Exactement, à l'Arbic LAN. L'Arbic, voilà, LAN, je sais pas, c'est quoi LAN? Couloir, avenue, rue, quelque chose, avenue. Et voilà, et là-bas, il y a Rebellion Sound, la Ragaravan qui avait saucé l'été, tout l'été au Parc du Cinquantenaire. Et puis le Blazing Fire au Crew, au Sound System. Voilà, c'est là-bas, c'est à Jet. Soirée Pili Pili. Ok, donc mea culpa, tu te laves et tu oublies, pour moi, parce que le 19 février, c'est ce samedi, en fait. Excusez-moi. Voilà. Et ouais. Donc mea culpa, voilà. Donc voilà. Shame on you, culpa, donc la mini part. Shame on you, comme disait Ophélie Winter. Ouais, exact. Mini panic party, c'est donc ce samedi. Et voilà, c'est les mêmes infos que je vous ai données avant, donc je vais pas la répéter deux fois. Voilà. Par contre, ce vendredi, il y a la boutique électro. Et la boutique électro, c'est à la gare du Congrès, tu 18 février. Tout, tu mélanges tout, Tortoli. Voilà. J'ai envie de danser un Sirtaki maintenant. Vas-y. On passe au samedi. Eh ben, comme ouais, ça, ouais. Je pourrais reparler de la mini panic party. S'il te plaît. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever? Eh ben, comme si je l'avais pas dit. Alors à la mini panic party. C'est donc le samedi 19. Voilà. Et okay. Voilà au programme. Au cave, mini panic party, etc. 1,99€. Ok. T'as quelque chose de samedi? Bah non, elle est belle comme ça. Hein. Passons au dimanche. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Dimanche et la semaine après? On réécoute l'album de Stupeflip. J'attends que tu nous en parles d'abord. Et non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Je vais attendre mardi prochain. Donc on pull up l'agenda Q, quoi. C'est fini. C'est terminé. Fini. Parce qu'il était bien préparé, du coup on l'a bien explicité, c'était nickel. Vas-y, on pull up ça et on repart sur la musique. On repart sur du son. D'accord, un peu dans la verve de vieux Fakatouré. Vieux Fakatouré. Fakatouré toi-même. Mais non, Farka, pardon. Mais bref, tu nous as préparé quoi là? Ça s'appelle Shirley Ellis et c'est The Clapping Song. Et attention, c'est fat. Exactement, avec Yo, les doigts. C'est parti. On se rejoint juste après ça. Your partner's left palm. Clap, pat, clap your hand, pat your palm. your palms and slap your thighs and watch the fun materialize as you sing this little song. My mother told me if I was good and that she would find me a rubber dolly. My auntie told her I kissed a soldier. Now she won't find me a rubber dolly. 3, 6, 9, the goose drank wine, the monkey chewed her back on the street. Breaking news, flash info dans Tortoli et Herbe Attaque. Nous avons une info qui nous tombe tout droit du site d'Europe1.fr. Ivre, il brûle un chat. Un jeune homme a comparu jeudi devant un tribunal correctionnel pour sévices graves envers l'animal domestique. Oh, c'est dur ça. Mais oui, mais oui, mais oui. Et tu sais où ça se passe ? Non, mais ça a l'air horrible. À Nîmes. Voilà, et c'était rapporté par le quotidien Midi Libre. Sous l'emprise de l'alcool, il avait mis le chat en cage, l'avait aspergé d'essence avant de l'allumer. En compagnie d'un ami, il avait filmé l'agonie de l'animal avec son téléphone portable. Des associations de protection des animaux constituées partie civile avaient requis la plus grande sévérité à l'encontre du brûleur de chat. Le vice-procureur a requis 3 mois ferme. Le délibéré est attendu le 7 avril prochain. Miaou. C'est assez triste, c'est miaou, mais on va faire une miaou de silence. Hommage. On fait, je pense, ouais. C'est horrible. Est-ce qu'on peut se recueillir ici dans les studios, chez vous, partout? C'est une histoire horrible, Herbe Attaque, ce que tu viens de nous raconter. Moi, je propose 10 secondes de silence, qu'on oublie un petit peu ça. Qu'on se lave et qu'on oublie. S'il vous plaît. 10 secondes. Et après 10 secondes de silence. Toujours une belle chanson. Je suis en train de penser, c'est horrible. Quel chalot. Quel chalot, ces mecs. Chat, c'est sûr. Chat, c'est sûr. Je te jure, boirai plus que du lait. Je n'aime plus la vodka. Moi, vouloir être un chat. Et soit quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières, mais comme bulle de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat, et ne risquer de tes doigts. Que le caresse sur moi. Moi vouloir être un chat quand dehors il fait froid. Attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. C'était horrible ton histoire. Je n'en peux plus. Vous êtes de retour dans les studios de Tortoli Herbe Attaque où voilà, l'ambiance est un petit peu morose, ouais, avec cette histoire de chat. Là, moi, les animaux qui meurent, c'est toujours. toujours une déception. En parlant de chats, mais j'en avais d'autres, hein, j'en avais d'autres. T'as d'autres hein. Vas-y, chat dis-nous. Chat alors. Mais il y en avait d'autres, hein, de l'actu sur les chats. Il y avait, par exemple, la fête du tête au Vietnam, hein, ah où bah c'est le chat qui est à l'honneur, en fait. On le mange. Comment ils disent le chat au Vietnam? Chan chan. Chan chan, c'est ça. Oh là là. Je continue mon histoire. Attends, c'est quoi vas-y, ça? Alors, ça vas-y, se passe dans la région de Thai Bin, hein, où en fait la viande de chat fait fureur. C'est sûr. Voilà, c'est tout pour toutes les grandes occasions. Hein, voilà, il y a même les restos qui en servent. Et en fait, ils mangent l'estomac, les boyaux et les cuisses du chat qu'ils transforment en boulettes. Voilà, donc voilà. Après le reste de la carcasse, bon, moi ça ils le jettent. Et en fait, là-bas, c'est très classe d'offrir du chat à ses invités. C'est sûr. Super tendance. Et c'est, je sais pas, pour les mariages, le nouvel an, etc. C'est vraiment la viande la plus prisée, quoi. Du chat noir en particulier. Chat alors. Ouais. Voilà le chat noir et voilà. Alors ce qui se passe, c'est que en fait ils en mangent un petit peu trop, hein. Et ça c'est pas vrai. Voilà, parce que en fait là où je voulais en venir avec cette histoire. Non mais je n'y crois pas. Là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, les autorités commencent à interdire cette pratique un petit peu barbare pour nous occidentaux. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et toi ça va? Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a plus de chats qui traînent dans les rues et dans les campagnes, et voilà, il y a plus de chats. Et du coup, ils commencent à avoir une invasion de rats, quoi. Puis les rats n'ont plus de prédateurs. Chapeau, ouais. Et voilà. Et donc en fait, les agriculteurs sont envahis par les rats dans leurs rizières. Et voilà, en fait, ils tuent les rongeurs maintenant par électrocution. En fait, ils électrifient toutes leurs rizières. Ce qui est un petit peu dangereux pour mais ça, c'est horrible. La nuit pour certains autochtones ça, de la région de Thai Binh au Vietnam. Au Vietnam, je sais plus ce que. J'arrête. Non, mais ça, c'est horrible. J'arrête. Chachan. C'est ça. C'est bien pour. J'arrête tout. Pendant tes histoires horribles, moi j'ai pensé à des histoires de chats qui étaient un peu plus marrantes. Chat t'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait. Ça m'a permis de faire un petit chat mix. Un petit mix. Yeah man. On va écouter ça. Bah ça tombe bien, allez. C'est le chat mix. Ici dans le citadin, dans la ville cribicois, il frappait le roi malin sur trottoir et dépotoir. C'est Orton Linear Batax. C'est Radio Panique. Frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Chat de bonne manière. Et des chats de gouttière. Frappe à tout, les chats voyous. Les autres chats sont là. Ici dort chez ses bons maîtres. Qui frappe et ses mauvaises têtes. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Bye bye Snoop Dogg. Chalituna. Welcome to Terra Dome. I'm your host, the friendly neighborhood baritone. Vocals channel the spirits of old poets. I don't drink, my glass never will hold a wet. Similar to Paul Orange Dunbar. From the crew you thought was just all chorus and one star. Now, I'm 1/6 of a clique that runs shit. While commercial counterparts are in constant conflict, I'm a lot of details. On my body be scales. I'm from Ida B. Wells. Middle C, feeling good time since like 11 with the window D. Militant mind like Michael Evans. every posse recline and watch me get applause. Pouring reservoirs on your desert shores. You're witnessing mental and verbal fitness, friend. Tuna fish are descended from Lake Michigan. Hey, wait a minute. Yes. What? Who are you? I'm Charlie Tuna. Come on, go to LA. Competition, listen. You know what to do. Go for it, you know. Charlie to LA. They shake your bringing it straight to you. When I say that I'm much more than just some backpack crap, intelligent rap act or militant black cat. Killing venomous platinum plaque max. Back forever spitting relevant facts at NASDAQ. Ain't how you play the game, it's how the game plays you. Way true, cadence is wild style like phase two. Touring without rest and bless. My skull's laced with titanium plates that pass metal detection. Yes, instant vintage. Deep in the trenches, every sentence can lead speakers defenseless. Peeking through fences and speaking bleaker than Memphis. Wait, peeking your interest with heat seeking intentions. Hey, wait a minute. What, man? Who are you? I'm Charlie Tuna. Come on, go to LA. Competition, listen. You know what to do. Go for it, you know. Charlie to LA. They shake your shoulders. Bringing it straight to you. Did you need a little? Come on, go to LA. Go for it, you know. You can't pass a bar. They shake your shoulders. Charlie to LA. Put the light in his room. Coming straight from shot. Today. I'm from the city where they buried Al Capone and house music was born. Robert Kelly performed and heavy styles were shown. I made Hydra and settled miles from home. Coast to coast, LA from Chicago. With the apostles spitting this gritty gospel. The ghetto diplomat, apocalyptic rap. I'm gifted, come to grips with that fact. Hey, wait a minute. You're learning while the turntable turning. People should know me more than for just the verbal hermit. Hermit. Monster. Yes. What? Who are you? I'm Charlie Tuna. Come on, go to LA. Competition, listen. You know what to do. Go for it, you know. Charlie to LA. They shake your shoulders. Bringing it straight to you. Did you need a little? Come on, go to LA. Go for it, you know. You can't pass a bar. They shake your shoulders. Charlie to LA. Put the light in his room. Coming straight from shot. Il y a des moments qui respirent la bonne humeur, la joie de vivre, les moments Kit-Kat. Équilibrés, savoureux, Kit-Kat, c'est la vitalité du chat. C'est une famille pleine de vie. Kit-Kat, quand le chat va, tout va. Vous êtes sur Tortolier Vatex, Radio Panique, et chat va bien. Tout va bien. Et voilà, c'était une parenthèse chat. Ouais, je crois qu'on est parti sur un délire chat, quoi. On va chat dérive, hein. Chat dérive pas mal cette émission. Non, mais c'est avec tes histoires là, tes histoires de chat horribles. Ouais, ça va, on essaie de mettre un petit peu d'actu, un petit peu de. Ça m'inspire. Et voilà. Chat t'inspire. Chat m'inspire. C'est trop facile, c'est trop facile. Je sais plus quoi faire. Bah, je sais pas, je pense que tu pourrais prendre la route, quoi. Tu vois. Mettre les voiles. Genre, chacun sa route, quoi. Ah. Chacun sa route. Hey, tonton David. On se retrouve juste derrière. Vous écoutez Radio Panique. C'est ça. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levez à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct. Tu prendras ta douce le soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, oh, oh, oh, oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin. Chacun chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne, passe le message à ton voisin, et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, oui ça donne. Passe le message à ton voisin, oui ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, oui ça donne. Passe le message à ton voisin, oui ça donne. Passe le message à ton voisin. Et ben voilà, c'était Tonton David. Tonton David, tout simplement. Ça a dû te rappeler plein de trucs. Hein. Ça me rappelle plein de jeunesse. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle. Bizarrement, je sais pas, j'ai en tête Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Je sais pas pourquoi. Ah, Mimi CQ. Et Mimi CQ et Miu Miu. D'ailleurs, qui nous revient. Voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, la boucle est bouclée quoi. J'ai l'impression d'être comme un chat qui tourne autour d'une petite boule en osier là, et qui tourne en rond autour, qui essaye d'attraper sa queue là. Tu vois, qui n'en finit plus voilà. De tourner. Et en fait, voilà, tonton David, tac, un indien dans la ville, miou miou, les chats, on retombe sur nos pattes. Voilà. C'est trop beau. Voilà, mais quand l'humour devient une science quoi, c'en est presque trop quoi. Bon, bah voilà, tranquille, on arrive, il reste 10 minutes d'émission, on est frais comme des gardons. Tortelière Batax, Radio Panique, 105.4. C'est comme ça que ça se passe. On peut se passer un petit son, un petit Joe Driscoll. Joe Driscoll, qu'est-ce que t'en penses? Allez, juste parce que c'est toi. Ça serait mignon de ta part. Cher auditeur, Joe Driscoll. Un one man band, mm-hmm. Ça se dit? Oui, ça se dit, bien sûr. Il s'appelle Joe Driscoll. Et voilà, il fait tout lui-même, il fait des boucles. Et les pattes, il les fait lui-même. La purée. Il fait tout lui-même. Fait tout lui-même. C'est un malade. Trop bien. Vas-y, on voit. Hein. Et le titre s'appelle Just Once. Voilà. Guitariste, harmonica, batterie. Chamonte. On se retrouve juste derrière. Thank you. mama decorated my room for me. She hung pictures on the wall of strong men I could hope to one day be. My whole childhood was a trinity. There was Christ and King and Kennedy. For me, I tore all that down. I wouldn't be a pacifist. Again, saw not the gods, just the men. Felt the same sentiment applied. Ain't it strange how one man's heartfelt words ain't mapped with lines of charts and curves? But how soon after he dies, I wish once you'd show me some proof. Vous êtes sur le Tortelier Batax Show, c'est Radio Panique, ça y est, c'est la fin de l'émission. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, enfin en tout cas... J'espère quoi. J'espère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demandons au public. Un délire. Mauvais, mauvais. Mauvais apparemment. Mauvais. Mauvais moment. Voilà, la petite voix qu'on entend, c'est notre maman. C'est notre maman à nous. Le chat. Parce que c'est le chat, c'est elle qui a eu l'idée de cette émission. Voilà, un peu notre producteur. Et voilà, c'est comme si j'étais au Grammy Awards et je remerciais tout le staff technique, la maman qui était là dès le début. Sans qui toute cette belle aventure n'aurait jamais été possible. Voilà, c'est un peu le cerveau de l'équipe. C'est elle qui écrit des nuits et des nuits pour. Ouais, je passe un temps fou. Surtout que, je veux dire. On sent le travail. À gagner quoi. Au début. Voilà, au niveau de la diction pour nous quoi. Ouais, on fait des exercices, on fait des gargarismes. Exact. Et aussi, tu imprimes aussi ce que t'écris en Arial 42. Ouais, pour qu'on puisse bien lire quoi. Ouais. Ça c'est sympa. Times New Roman 58. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon les amis, désolé, on va devoir s'arrêter là. Juste le temps de rappeler que vous retrouvez toujours les émissions et les playlists sur radiopanique.org, sur le Facebook Tortelier Batax. Pour vous voter. Pouvez de plus voter pour l'expression de la semaine. Voilà. Et je peux vous dire que ça fait belle levrette que Arbatax mène au score. Et Tortelier a bien besoin de quelques points. Je pense que c'est vu pour ça qu'il propose. Vu la branlée de la semaine dernière, je pense qu'il va se laver et oublier de notre ami Arbatax. Il propose, tu te laves et tu oublies. Exact. Contre eux, ça fait belle levrette. Ok, ça se passe sur Facebook. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec G-Boutique sur Radio Panique, sur le 105.4. Emeric Hubert reçoit aujourd'hui des invités. Il s'appelle Startigen. Ils viennent du BZH, aka la Bretagne, du BZH, aka la Bretagne, Startigen, et du coup, voilà, professionnel, on annonce et on fait même une transition avec. Bah ouais, voilà, nous on nous dit qu'il y a des Bretons, alors voilà, on met du Breton. Voilà. On met du Breton, les trois Yann. Les Trianes. Voilà. Voilà. Le Pelodenbon, on se quitte là-dessus, c'est un classique, c'est le classique de la semaine. Le Pelodenbon. Voilà, restez. C'est G-Boutique, c'est Startigen. Stay tuned on Radio Panique. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, ciao. Tchuss. Au revoir. Ma chère maman. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que je sommes déjà caporal et serons bientôt général. Que je sommes déjà caporal et je serons bientôt général. À la bataille, combattions les ennemis. De la nation. À la bataille, combattions les ennemis de la nation. Et tous ceux qui se présentions, un grand coup de sable les émondions. Et tous ceux qui se présentions, un grand coup de sable les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé. C'est son quartier, c'est quoi mon nom? J'ai dit, je m'appelle Pelodenbon. C'est son quartier, c'est mon nom, je lui dis je m'appelle Pelodenbon. Il a tiré un bio ruban et je ne sais quoi au bout d'argent. Il a tiré un bio ruban et je ne sais quoi au bout d'argent. Il me dit bout de ça c'est ton avis et combat toujours l'ennemi. Il me dit bout de ça c'est ton avis et combat toujours l'ennemi. Quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Ce soit quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Des bouts de l'humain à l'ouchapiot quand ils veulent compter au pelot. Des bouts de l'humain à l'ouchapiot quand ils veulent compter au pelot. vous enverrai ce bio ruban. Valère Sister, en combattant, je vous enverrai ce bio ruban. Et vous le voudrez à votre fusion, en souvenir du gobelot. Et vous le voudrez à votre fusion, en souvenir du gobelot. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Je suis leur humble serviteur, pelot qui vous embrasse le cœur. Je suis leur humble serviteur, pelot qui